Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. On avait déjà chroniqué les deux premiers épisodes. Le premier, c'était La planète des monstres. Le deuxième, c'était La ville au bord du combat. C'était un titre à rallonge. Et là, on a Planet Eater, donc le dévoreur de planètes, si on traduit littéralement. Donc de la trilogie animée Godzilla. Ouais, c'est ça, qui est produite par La Toho, Polygon Pictures et... Et l'année Netflix, une trilogie d'une célèbre monstre, d'ailleurs, qui a un nouvel épisode live qui sort dans pas très longtemps, Godzilla, roi des monstres, qui promet quand même pas mal de spectacles, vu qu'on a l'affrontement entre Godzilla, Rodan, Mothra et Ghidorah. King Ghidorah. Ouais, King Ghidorah. On en était resté, on va rappeler un petit peu l'effet du précédent épisode, c'est que les Bilous, tu veux peut-être... Les Bilous Saludas. Les Bilous Saludas avaient essayé d'utiliser la technologie, c'est ça? Bah en fait, je vais revenir sur toute la trilogie, si tu veux. Ouais. Je prends le fil. Ouais. Donc en fait, dans l'épisode 1 de Godzilla, c'est le retour de l'humanité sur Terre, après des milliers d'années. Et donc c'est l'humanité qui essaye de régler le problème Godzilla. Dans le numéro 2, alors le monde aux portes de la guerre, enfin voilà, titre à rallonge comme tu dis, là c'est les Bilous Saludas, donc qui essayent avec la technologie de détruire Godzilla. La nanotechnologie. Ouais, enfin la haute technologie qui était restée sur Terre depuis des milliers d'années qui a évolué avec tout seul. Une figuration de Mechagodzilla, ouais. Ouais, enfin juste le nom, hein. Figuration, quoi. Et après, dans le dernier, bah là, on assiste dans Planet Eater, là c'est plus le spirituel, le divin, c'est-à-dire les exifs maintenant. Qui essaye de détruire Mechagodzilla. Pas Mechagodzilla, Godzilla tout court. Les exifs, on va spoiler à mort, de toute façon. On va être obligé de spoiler à mort, sinon on peut rien. Les exifs, de toute façon, tout le monde est exterminé dans cette. Dès le début, parce qu'ils font appel déjà à Ghidorah, qui est un monstre à trois têtes qui vient d'une autre dimension, d'après ce que j'ai compris. Il fait pas de quartier, il détruit complètement le vaisseau qui est en orbite. Les exifs sont tous exterminés aussi. Et puis, il reste plus que Medivh. Qui lui est vraiment le fanatique religieux, quoi, jusqu'au bout des ongles. Et lui, apparemment, tant que sa foi existe, eh ben, Ghidorah, c'est une entité spirituelle. C'est-à-dire que Godzilla ne peut pas il peut se faire mordre. Alors ça c'est vraiment nul aussi. Il peut se faire mordre, mais il peut pas contre-attaquer, c'est ça le. Ouais, c'est assez compliqué, mais ouais, moi je pense que t'as bien résumé. Mmh. Comme King Ghidorah vient d'un autre plan de l'univers, voire même d'un autre temps ou d'un autre espace, il peut agir sur l'espace temps normal. Ouais. Mais on peut pas agir sur son espace-temps à lui. Ouais. Donc ça fait un peu ta gueule, c'est magique, hein. Tout à fait. On est clair sur ce point-là. Il y a plein d'incohérences. Alors ce que j'aime bien, c'est de la science-fiction, il y a de la cohérence. Ouais, puis c'est obligé. Mais là, le niveau d'incohérence, franchement, il peut pas se faire toucher, on est d'accord. Ouais. Mais il peut pas tout n'importe quoi passe à travers. Mais par contre, quand il y a Godzilla qui lui tire dessus avec un rayon, il le fait dévier. Bah pourquoi? S'il peut pas se faire toucher. J'ai pas capté ça, mais bon, j'étais peut-être hors du film déjà. Je pensais déjà à autre chose. Parce que c'est très long, hein. Voilà, faut dire ce qui est. Ça parle beaucoup. Ouais. C'est très long. C'est une quête spirituelle. Ça dure 1h20 parce que générique passé. Il y a 20 minutes où t'as un discours de religieux ou avec des espèces de comment on appelle ça? Tu sais les formes qui se baladent là. Kaléidoscopique quasiment, quand t'as Haruo qui est dans une espèce de plan spirituel où Medivh n'arrête pas de lui dire de toute façon tu vas crever, c'est ça le discours général. Hein. De toute façon, vous êtes tous destinés à mourir. Déjà, j'aime pas déjà du tout le pessimisme du discours. Ah, c'est pas du pessimisme, ça, c'est sa situation religieuse. Ils sont tellement intelligents qu'ils ont compris que la finalité de n'importe quoi dans l'univers, c'était de finir. Ouais, c'est tout. Ben, ouais, c'est une évidence. Mais c'est peut-être pas une raison pour choper la cerise non plus, quoi. Ben, pourquoi ils appellent Ghidorah? Pour détruire la planète? Ben voilà, c'est le seul Ghidorah qui... Il y a encore des gens qui vivent, tu... Voilà, qui peut tuer Godzilla parce que, il tue tout, en fait. Il explose la planète avec. C'est sûr, s'il y a plus de planète, il y a plus de monstres. Ouais, puis il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus d'êtres vivants. Il n'y a plus d'êtres vivants, c'est ouais. Même pas les humains. Je veux dire, on pourrait dire c'est un fanatique qui veut liquider, qui veut la place pour lui tout seul, mais en fait, non. Non, il va crever avec. Oh, on rase tout. Il fait table rase, c'est bien gentil. Il n'y a pas conscience que lui-même, il va disparaître. Ce personnage n'a aucune cohérence dans son discours, dans sa philosophie. Ouais, puis je me suis emmerdé, c'est ça le problème. Et ça dure des heures, et puis t'as les mecs qui sont spectateurs. Ah, regardez, Godzilla, il arrive pas à se défendre. Ah, il y a un Ghidorah qui arrive. Ah, ça fait un peu commentateur-spectateur, quoi, tu vois. On dirait le commentateur d'Olivier Tom qui te raconte ce qui se passe. Non, c'est un film qui est assez long, même pas assez, qui est long tout court. Ouais. Il se passe pas grand chose. Hein. C'est, non, il se passe pas grand chose. C'est du blabla pendant 1h20. Et même la Deus Ex Machina finale où Godzilla agit, il se passe rien non plus. C'est pas, il vole. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi, Godzilla, si tu l'emmerdes pas, il bouge pas, il fait rien, hein, en fait. C'est un gros pâteau, quoi. Bah, en fait, c'est une force de la nature. Ouais. On te l'écrase à coups de pelle dans la gueule. Ouais. Hein, c'est une force de la nature dans cette série-là. Et puis, c'est tout, quoi. Bah, fais pas chier la nature, elle t'emmerde pas. Voilà, c'était la conclusion. Disons que dans le 2, s'il se déplace, c'est parce qu'il sent un peu le danger dans... pour la cité, là. Bah, dans le 1, il se déplace parce qu'il sent que les humains vont l'attaquer. Ouais. Pour finir, après, tu vois, c'était pas lui, mais c'était lui quand même. Alors, ça, faut qu'on me réexplique. Il y a un truc aussi bizarre, là. Ouais. Ouais. Après, dans le 2, il se dit, oh, ils sont en train de réactiver une vieille arme. Bon, allez, ouais. Je vais aller leur péter la gueule. Et dans le 3, il dit, bon, il y a un monstre qui arrive, je vais attendre que l'humain il se décide à interagir, puis après, je lui péterai la gueule, c'est ça. J'aime bien la façon de résumer la philosophie de Godzilla, finalement. C'est le mec qui a un peu du mal à se déplacer quand il y a un problème, quoi. Non, mais c'est un français moyen, Godzilla. Si tu l'emmerdes pas, il vient pas t'emmerder, mais sinon, il va te faire la misère, quoi. Puis je sais pas, moi, il y a le souffle... Bah, c'est plus le souffle atomique, maintenant, c'est le souffle électromagnétique. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, il fait chiant, ouais. J'ai du mal à trouver mes mots, parce que ça m'inspire pas du tout, en fait, cette trilogie, là. Puis c'est magnifique, il y a une mutinerie des Bilou Saludos parce que les humains ont détruit Mechagodzilla City, puis ça sert à rien en fait, tout ce passage-là sert à rien parce qu'ils se font dévorer par King Ghidorah, quoi. Ouais. Ah ouais, l'espèce de truc qui se passe dans le vaisseau, on s'en fout finalement parce que Ghidorah il les enroule et puis il les écrase comme de la merde, puis finalement ils appellent une entité mais ils savent qu'ils vont crever, quoi. Au lieu de ça, je sais pas, ils ont pas de capsule éjectable, comme sur l'entreprise, par exemple, je sais pas. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'au milieu, aux trois quarts de l'épisode, ils ont compris que s'ils emmerdent pas Godzilla, il va pas les emmerder. Mais non, on fait venir quand même, hein. Allez, hein. Donc c'est, voilà. C'est... Mais moi, je comprends pas l'intérêt de faire venir Ghidorah. Ça, j'ai pas compris. En plus, c'est Ghidorah en version Galactus, donc c'est un peu chiant aussi. Tu vois que là, t'as du dragon, puis tu vois pas le reste, quoi. Bah, tu vois juste les trois têtes, et c'est les trois têtes à la Senseiya, hein, c'est-à-dire qu'elles sortent de n'importe où. Ça fait très... comment il s'appelle, le dragon d'or, là. Ça fait très Shenron. Puis c'est long, l'installation. Quand il arrive, il va sortir de son trou. Tu lui dis, mais il va sortir de son trou, quoi, là. Bah, surtout qu'il met bien un quart d'heure à péter le vaisseau spatial, quoi. T'as un moment, tu te dis... La taille du truc... Ouais, puis la taille du machin. Il y a des moments, t'arrives pas à savoir où ils veulent en venir, tu sais. T'as envie de leur dire, les mecs, je veux bien que vous ayez payé pour 1h20, mais si vous pouvez vous grouiller. Réveillez-vous, quoi. Et oui, et puis on a voulu détruire Godzilla, mais celui-là veut tout détruire. C'est tout, il veut tout détruire. Et puis après, pour rejoindre Sakaki, enfin, Haru Sakaki, Haru Sakaki, ils vont faire un petit coup de fil avec Mothra, quoi. C'est ridicule. Mothra. Alors, c'est vraiment la figuration. Hein. C'est le caméo. Hein. C'est ce qu'on appelle le caméo à la Stan Lee. Hein. Ça fait... On a le droit de le montrer en entier? Non, on va en mettre une ombre. Tu m'attendais à ce qu'il y ait Rodan ou... je sais pas, qui ramène tous les bestiaux. Je savais que c'était Mothra qui allait apparaître. Mais non, je pensais qu'il allait... il prend son envol. Certes, il se fait péter la gueule, mais ça aide. Hein. Non, c'est juste que... En fait, Mothra, c'est un fax là-dedans. Il reçoit un fax, il dit « Bah, ça fait peut-être temps que je me réveille. » Après, il explose le Sharingan à Lexif, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, il devient tangible, et puis Godzilla lui pète la gueule en 10 secondes. Ouais, c'est exactement ça. Le seul truc qui m'a fait rigoler ensuite, c'est le caméo de Mothra, parce que c'était tellement débile et inattendu que... Et rapide. Ouais. 1, 2, c'est furtif. 3, il n'y a plus Mothra. Furtif. C'est furtif, quoi. Tu crois que Mothra va venir filer un coup de main à Godzilla pour péter la gueule à Ghidorah? Mais non, pas question. L'autre, il s'en trouve tout seul comme un con à planer. En plus, il plane un moment. Ouais, il se fait porter par Ghidorah. Puis... Alors, il peut pas le toucher, mais l'autre, il peut le porter. C'est ce qui est un peu bizarre, mais bon. Ouais, c'est ta gueule, c'est magique. Hein. Non, franchement, c'est ça. Hein. Je te jure, là, il vient d'une autre dimension. Nos capteurs, mais comment il... Ça va, on est en train de le voir. Enfin, pourquoi vous nous expliquez ce qu'on est en train de voir? Tout d'un coup, il perd son pouvoir parce que Metfiz. Lui, il perd son... L'autre, il enfonce son doigt dans l'œil à Memphis. Ah oui, c'était l'œil qui maîtrisait le... Voilà, c'est pour ça que je dis que c'était son Sharingan. Hein. Tain, c'est à la limite du Naruto, quoi. En fait, c'était l'œil cyborg qui est connecté à l'autre dimension. Voilà, c'est un pont entre les dimensions. Mais ça fait vraiment... Tu le sors de nulle part, quoi. C'est... C'est trop mal amené, il y a plein de problèmes, quoi. Bah, puis c'est... Il y a pas de rythme dans ce truc-là. Mais en fait, ils ont voulu, voilà, je te dis, le côté humain, le côté technologie, le côté divin, qui peut pas lutter contre la nature. Ouais. Mais il n'y avait pas besoin de faire trois films pour ça. Surtout pour la fin qu'on a eue, quoi. Oh, putain, je vais te dire. On va parler du final, hein. Ah ouais, et puis le final, bah, en fait... Allez, vas-y. Alors, à la fin, ils battent pas de Godzilla, hein, c'est-à-dire qu'ils lui foutent la paix. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il vient, le qu'est-ce gros que pâteau, fait ouais. Vous, Godzilla, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, on me fout la paix, moi je dors. En stase, ouais. En fait, Godzilla, voilà, c'est un fonctionnaire. Hein. Ouais. Il fout la paix, il dort. Puis à la fin, ils arrivent à redémarrer une machine. Puis on fait bien comprendre que si cette machine redémarre, ouais, l'humanité pourra réévoluer. Et puis, ouais. Du coup, il dit, l'autre, du coup, il va se suicider. Quoi. Ouais. Le héros, il va se suicider. Je suis hyper pessimiste comme donc, il arrive à s'accomplir, ouais. Il arrive à s'intégrer dans la communauté des hommes insectes. Et à la fin, il dit, je vais me tuer. Parce que Gundam, il remet en route, c'est le Gundam, le... Ouais, parce qu'ils mettent un Gundam en route. Ouais, ouais. Donc, il y a le Gundam, et puis moi, je lui vais arriver de loin, je dis, il va le faire exploser, il va arriver quelque chose, mais ils vont pas laisser la technologie reprendre, parce qu'il sait que ça va recommencer, que ça va être le bordel, quoi, comme dans les temps passés. Bah, je m'attendais pas à ce que ce soit le kamikaze, il fait le kamikaze, quasiment, hein, il s'écrase sur Godzilla, puis voilà, quoi, ça finit comme ça. Ah, pas quasiment, c'est quand il voit que Godzilla, ouais. Il va l'attaquer, il sourit enfin, parce que la boucle est bouclée. Donc, les mecs, vous avez... Avec la fille qui est, donc, les mecs, ils ont complètement contaminés par les nanotechnologies, là. Puis attends, ça fait un peu les Borg, hein, ça. Ils ont quand même traversé l'espace-temps pour rien. Pour crever, quoi. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ouais. On a fait un voyage de 20 millions d'années, mais... enfin 20 000 ans, mais on est tous morts. Finalement, ils auraient pu mettre l'autodestruction, c'était pareil, quoi. Voilà. Non, mais bon, c'est bien qu'on en parle, parce que moi, on rigole. Parce que moi, j'ai pas du tout rigolé quand tu regardais ce film, hein, franchement. C'est pas... même pour un manga, entre guillemets, parce que j'ai l'habitude des rythmes plan-plan dans les mangas. Non, qualité graphique, des fois, la 3D passe mal, mais enfin, ça, c'est... Il y a un mélange de... De D3D. De 3D, 2D, 2D, attends. Mais non, même l'histoire en elle-même, elle est lente. Mais ouais. Alors, lente. Bah, si je vous le conseille, regardez que les 10 dernières minutes, vous n'aurez rien raté. Hein, vous trois. Vous avez que pour 30 minutes de film. Pour moi, il y avait plus de rythme quand même, je trouve. Même pas, hein. Enfin, je veux dire, moi, il faudrait s'arrêter au premier, puis pas regarder les autres, quoi. Bah, ouais, enfin, je suis même pas. Non, il y aurait moyen de synthétiser les trois. C'est chaque vision. Voilà. T'as eu la vision humaine, t'as eu la vision Bilou Saludos, t'as eu la vision Exif, et à la fin, c'est la vision de Godzilla qui reste. T'as bien résumé la philosophie de la trilogie. Franchement, il n'y en a aucune qui marche, quoi, parce qu'ils crèvent tous. Bah ouais. Alors que ce soit les humains, la technologie ou les dieux, personne pourrait battre la nature. Finalement, la force de la nature, bah, elle reste toujours debout et puis elle emmerde les autres, quoi. Un peu comme Renault, toujours debout. Tu voulais ajouter quelque chose parce que je pense qu'on a assez trollé sur Planétitaire, mais. Bah, je vous le conseille pas, hein, vous allez vous faire chier. Ah non. Même en étant fan inconditionnel de Godzilla, je me suis vraiment fait chier. Attendez le film qui va sortir, je crois qu'il va beaucoup être mieux. Puis au moins Ghidorah, on le voit en entier. Ouais, c'est pas un Ghidorah à la Galactus. Ouais, ouais. Puis on aura Rodan, on aura Mothra. Komunga, apparemment aussi. Ouais, aussi, parce qu'on a un spot TV qui est arrivé là. On est une espèce de bestiole avec des grosses pattes. Alors d'après le spécialiste Godzillesque Teddy, ce serait comment tu dis? J'hésite entre Ibira et Komunga. Ah bon. Bon, c'est la tortue, tu dis. Gamora, c'est la tortue. Non, Gamera, c'est la tortue. C'est pas Gamora, c'est dans les galaxies. Donc là, c'est Gamera, la tortue. C'est la tortue au Japon. César, la tortue au Japon, c'est le symbole de la Terre-Mère. Hein. D'accord. C'est pour ça que, en général, Godzilla bat jamais la tortue. On est quand même. Alors là, King of Monsters, j'ai clairement envie d'aller le voir. Ouais. Bon, alors c'est vrai que je suis parti pris parce que j'adore Godzilla. Toi, mais déjà, je sens que je vais moins me faire chier que dans Godzilla 1. Il y avait des passages plan-plan, hein, quand même. Et t'élimines une heure et demie de film, mais il n'y a plus rien après. Ouais. Et après, ça, c'est sûr que je me ferais moins chier que dans les adaptations Netflix. Hein. Enfin bref, ils auraient dû même King César, au moins ça aurait été marrant. Mais c'est vrai que là, le rythme est dramatique jusqu'au bout et... Bon, tu me l'as souvent répété, c'est que les mangas animes, c'est très pessimiste, c'est très noir, c'est... Pas forcément. Animal, hein, Pas forcément, mais ça t'amène toujours sur de la réflexion. Le problème là, c'est qu'il t'emmène sur de la réflexion. Il y a que ça, quoi. J'ai eu l'impression de regarder un épisode de Bartender, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Donc c'est un truc très plan-plan, très beau, et puis c'est tout. C'est pas plus développé que ça. Quoi. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.